Miss m'a dit faut vivre un peu dans son époque. Je lui dis cool la vie vu qu'elle et moi on est potes. Elle veut du frisson, du risque en one shot. Surtout pas de son de vie, on papote. On s'était promis de pas faire les tomis comme avec mes homies. Elle a fait des katas, elle en est capable et ma guitare. Poto, c'est ma poto. Poto, avec elle j'ai des photos. Je fasse toutes tes mimiques. Elle me dit rien de méchant. Avec elle c'est wesh la famille. Elle et moi dans la légende. Que sa tête sur mes stories. Elle m'apprend des cours en dehors des cours. Je suis à son écoute, je dis cool. On traîne en bas des tours à faire des allers-retours. On se maintient debout, pourquoi tu fais le fou? Avec qui je fais des photos. Poto, c'est ma poto. Poto, on fait que c'est follow. Poto, c'est ma poto. Poto, avec qui je fais des photos. Poto, c'est ma poto. Poto, on fait que c'est follow. Poto, c'est ma poto. Poto, avec qui je fais des photos. Poto, c'est ma poto. Poto, on fait que c'est follow. On tape le délire de le matin. Quand t'es pas bien, je suis pas bien. On se prend la tête pour rien. On prend la vie comme ça vient. Des fois on rit, des fois on s'ignore. De toute façon on va se réconcilier sur le palier. Et pour les ennemis, entre nous c'est mort. On calcule pas, on laisse les gens parler. C'est ma poto, avec elle je fais des photos. C'est ma poto, on fait que ce follow. Poto, c'est ma poto. Poto, avec elle je fais des photos.